enfants, tu voudrais être déjà grand. Et dans le matin qui se lève, tes yeux brillent encore pleins de rêves. Tu avances avec impatience, le monde qui s'ouvre devant toi te promet des milliers de chances. Tu n'as qu'à tendre les bras. En secret, tu pries ton destin pour le rencontrer un jour. Mais pourquoi le temps passe-t-il si vite? Ce serait si bien de redevenir un enfant. Et tandis que s'avance le soir, tout ressurgit de ta mémoire. Tu revois ta vie qui défile d'ordinaire. T'as pas choisi ton chemin. Malgré tout, y a eu ce bonheur qui apaisait les orages et savait faire vibrer ton cœur. Ça valait bien le voyage.